Chapitre 4. Élisabeth et Horace déjeunèrent le lendemain à Aigueblanche et y passèrent l'après-midi. Tacitement, les sujets douloureux auxquels tous pensaient furent bannis de la conversation. Sur la demande du jeune Anglais qui s'occupait d'élevage à Morton Court, Willibald lui fit visiter le domaine auquel il avait apporté nombre d'améliorations. Les jeunes filles les accompagnaient. Toutes deux s'intéressaient à ces questions, aimaient la campagne et ses occupations. À celle-ci, Élisabeth n'était que peu initiée encore, mais elle se sentait l'âme d'une fermière, déclarait-elle avec un fugitif sourire qui amena un peu de détente sur la physionomie soucieuse de Willibald. Horace et elle regagnèrent Montparnasse vers la fin de l'après-midi. Tandis que le jeune homme rentrait sa voiture dans le garage, où la place ne manquait plus maintenant, Élisabeth le précéda vers la tour. Adélaïde l'accueillait par ces mots. « Il paraît que le médecin ne donne pas d'espoir pour votre tante, mon enfant. Florestine demande si vous pourriez aller chercher demain matin des ballons d'oxygène à Lons-le-Saunier, car on en aura certainement besoin pour la soulager. Mais oui, je partirai dès 7 heures. Pauvre tante !» Dans sa chambre, Élisabeth alla s'accouder à la fenêtre. Les sapinières étaient perdues dans la grisaille de cette fin d'après-midi morose. Le cœur d'Élisabeth, un instant calmé dans l'atmosphère d'Aigueblanche, sous le regard gravement passionné de Willibald, redevenait lourd, anxieux. Elle pensait à celle qui se mourait là-haut, solitaire, farouche, comme elle l'était depuis tant d'années. Jamais plus elle n'entendrait la plainte déchirante du violon de Calix, ses rêveries ardentes, ses gémissements où l'âme claustrée dans son orgueilleuse retraite exhalait un peu de son amère souffrance. Jamais plus. Calix de Ruden allait mourir. Paraîtrait-elle ainsi devant son juge, devant celui qu'elle ne connaissait plus depuis tant d'années? Une porte s'ouvrit derrière Élisabeth. « Florestine voudrait vous parler, » dit Adélaïde. Élisabeth entra dans la salle à manger. Florestine lui tendit un rouleau de papier. « Mademoiselle envoie cela à Mademoiselle Élisabeth pour qu'elle le lise tout de suite. »« Ah bien, Florestine, j'irai chercher l'oxygène demain matin de bonne heure. Ma tante est-elle vraiment très mal ?»« Tout à fait mal. Elle vient en outre de se fatiguer pour écrire ses pages. » Je la soutenais comme je pouvais, mais elle a eu beaucoup de peine pour arriver à la fin. » La voix de Florestine se brisait. Sur sa physionomie altérée, on discernait à la fois la fatigue et le chagrin. A-t-elle conscience de son état ? Oh, très bien, mademoiselle, elle sait qu'elle est perdue. Et elle ne veut pas voir le prêtre ? Les yeux las de Florestine parurent s'éclairer tout à coup. Il faut attendre l'heure de Dieu. Nous ne comprenons pas, nous, mais lui, c'est le moment où l'âme s'ouvre pour le recevoir. Si ma tante voulait, je pourrais vous soulager un peu, Florestine, en veillant cette nuit, par exemple. Mademoiselle m'a chargé de dire à Mademoiselle Élisabeth qu'elle la recevrait ce soir, si elle veut venir, après avoir lu ce qu'elle lui envoie. Sur ces mots, Florestine se retira. Élisabeth, assez intriguée, rentra dans sa chambre et déroula les deux feuillets couverts d'une écriture heurtée, un peu en zigzag, mais où l'on retrouvait partout les traits caractéristiques d'une nature volontaire à l'excès. « Puisque je vais mourir, il faut que je décharge ma conscience, Élisabeth. Moi seule sais comment ta mère est morte. J'étais dans le pavillon le soir où elle fut poussée dans l'étang par une femme inconnue. » Pourquoi je n'ai rien dit? Je haïssais ma belle-sœur, belle, heureuse, aimée. Elle me traitait en outre avec une pitié affectueuse qui blessait mon orgueil. Oui, c'était de la haine qui s'insinuait en mon cœur comme un poison, et quand je la vis tomber, se débattre un instant, puis disparaître, je ne bougeais pas, j'éprouvais une horrible joie. Une abominable joie que j'ai payée ensuite par le plus affreux remords. Mais je m'enlisais dans ce criminel silence. Et Daphné morte, je la détestais encore. Je te fais horreur, Élisabeth. Florestine dirait que Satan me possédait. Peut-être n'aurait-elle pas tort. Je pense qu'en tout cas, ce que j'éprouvais devait se rapprocher des tourments des damnés. mais au point où je suis, je veux décharger mon âme. Il faut aussi que tu saches ceci, on a tué ta mère. Qui ? Je n'ai pu reconnaître cette femme. Elle était grande, vêtue de noir. Était-ce Judith ? Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue, puisque je m'étais déjà enfermée ici lorsqu'elle a commencé de fréquenter mon parou. Mais qui donc aurait eu intérêt à supprimer la femme de Rodolphe, sinon celle qui s'est fait épouser ensuite si vite par lui ? Je t'ai déjà prémunie contre elle. Je savais par Florestine qu'elle a toujours cherché à te nuire. Si elle a tué ta mère, elle est capable de tout contre toi. Prends garde. Au cas où tu trouverais quelque intérêt à ce que soient connus les faits tels qu'ils se sont passés, use de cet aveu que je te fais. On me considérera avec raison comme une complice de ce crime, puisque je ne l'ai pas dénoncé. Tu me détesteras, Élisabeth, et tu n'auras pas tort. Mais peut-être songeras-tu un peu aux tortures morales qui m'ont ravagé depuis des années. Calixte de Ruden. Quand Adélaïde, surprise de ne pas voir Élisabeth à l'heure du dîner, entra dans sa chambre, elle la trouva affaissée dans un fauteuil, toute frissonnante, ses doigts froissant la lettre de Calixte. L'horreur étreignait son âme et elle ne savait en ce moment laquelle lui paraissait plus odieuse, de Calixte, haineuse jusqu'à se réjouir de cette mort, ou de la femme mystérieuse qui était peut-être Judith. Lorsque, plus tard, entre Adélaïde et Horace, elle se fut un peu remise de ce coup imprévu, elle jugea nécessaire de leur communiquer la confession de sa tante, qui pourrait peut-être aiguiller sur une voie intéressante sa défense contre Judith. Ainsi en jugea aussitôt Horace d'ailleurs. Il décida que, dès le lendemain, à la première heure, il irait en faire part à Willibald. Mais si le crime paraît certain après cet aveu, il faudrait prouver l'identité de la meurtrière, ajouta-t-il. Or, en pleine nuit, elle a dû passer inaperçue. À moins que... Vous m'avez dit, Élisabeth, que votre vieux jardinier avait coutume de travailler quelquefois à son jardin par les nuits claires d'été. En effet, il faudra que j'aille l'interroger. Peut-être a-t-il vu passer cette femme dont parle votre tante et pourra-t-il nous donner une indication susceptible de l'identifier ? Oui, peut-être, dit Élisabeth d'un air las. Elle demeura très absorbée pendant le dîner auquel personne ne toucha guère. En se levant de table, elle fit un pas vers sa chambre, puis se détournant, elle dit à Adélaïde « Je monte chez ma tante ». Sa voix avait un léger tremblement. Adélaïde la suivit d'un regard anxieux que les larmes mouillaient. « Ma pauvre petite » murmura-t-elle, « quelles épreuves et quelles révélations en ces quelques jours !»« Elle gagne son bonheur, » dit pensivement Horace. Dans la chambre de Calix, la fenêtre était ouverte sur la nuit lourde, sans étoiles, que de lointains éclairs traversaient parfois. Une petite lampe posée sur une table, loin du lit, laissait celui-ci dans l'ombre. Le souffle haletant guida Élisabeth vers ce lit où Calix terminait sa vie douloureuse. Son cœur battait à coups précipités. Elle dit à mi-voix « Me voici, ma tante !»« Élisabeth, tu viens quand même ?» Les mots sortaient avec peine de la gorge oppressée. « Oui !» Je n'ai pas le droit de vous juger. Vous avez beaucoup souffert. C'est la seule chose dont je veuille me souvenir. Souffert affreusement. Des doigts brûlants se posèrent sur la main d'Élisabeth, dont ils sentirent probablement le subit raidissement, car Mademoiselle de Ruden eut une sorte de rauque sanglot. C'est dur d'être là, près de moi, qui ai laissé tuer ta mère sous mes yeux. « Va-t'en ! Oui, cela vaut mieux ! Je suis une maudite !» Élisabeth se laissa glisser à genoux et saisit cette main fiévreuse qui se retirait. « Non, je resterai près de vous, ma tante. Je suis venue de mon plein gré, sachant que nous devons pardonner comme Dieu nous pardonne. Ne parlons plus de ce passé. Ma pauvre mère souffrait beaucoup moralement et le caractère de mon père, l'influence redoutable de cette Judith, lui réservait de pires épreuves. elle a trouvé le repos dans la joie éternelle, et elle vous a pardonné, pauvre tante, qui n'avez pas su chercher dans l'infinie charité la consolation de votre disgrâce. » La voix d'Élisabeth tremblait d'émotion. Dans la pénombre, son regard distinguait mal la figure de la mourante. Pendant un long moment, elle n'entendit plus que la respiration sifflante. Puis Calixte murmura « Tâche de savoir qui a commis le crime. Ce n'est pas facile après tant d'années. Tu as bien souffert par cette femme autrefois, n'est-ce pas ? Florestine était un peu au courant par ton institutrice, par Damien. Oui, elle me hait, mais je me défendrai contre elle. Maintenant, ne parlez plus, ma tante. Si, je dois te dire encore, je te lègue ma fortune. Florestine ne veut rien. Elle entrera chez les trappistes après ma mort. C'est, je pense, pour gagner le salut de mon âme. Aussi ne veux-je pas la décevoir. L'abbé Forgue va venir tout à l'heure. » Puis elle se tut. Élisabeth, toujours à genoux, priait et songeait. Elle songeait à la triste existence de cette femme qui n'avait pas trouvé d'affection chez sa mère et probablement si peu chez son frère. Peut-être aussi, comme le supposait M. de Rudaine, avait-elle connu l'amour, et celui-ci, dédaigné, devait ravager un cœur entier, passionné, tel qu'était sans doute le sien. Et plus tard le remords qui avait fini de dévaster cette âme. La pitié, maintenant, dominait tout autre sentiment chez Élisabeth. Elle n'avait plus qu'un désir, l'apaisement de l'âme tourmentée qui allait quitter ce monde, où elle n'avait su vivre que dans un desséchant repli sur sa souffrance. « Élisabeth ! Ma tante ! Quand je serai morte, tu prendras un petit coffret d'ébène qui se trouve dans mon secrétaire et tu brûleras ce qui s'y trouve. » « Je le ferai, ma tante. » Des souvenirs, des folies, est-ce qu'on pouvait m'aimer ? Sa respiration siffla plus fort. Des mots passèrent entre ses lèvres. Élisabeth en saisit quelques-uns. « La lettre à Rodolphe, je l'ai trouvée, j'ai lu, folle de penser qu'il m'aimait. Hubert, c'était fini !» Puis elle se mit à divaguer.